L'archive pub, le podcast. Et en quelle année on rejoint Enzo ? Eh bien, mon cher Matt, ce soir, nous retrouvons une pub culte avec un enfant et un poisson rouge. Il s'agit donc d'une publicité je n'ai pas la date, mais c'est une publicité assez récente, hein, de 2006 à peu près, donc au début des années 2000, voilà, avec cette première publicité pour les chocos suisses, donc, de Nestlé. Allô, le responsable des poissons rouges. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. Trois d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Chocos suisses de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Chocos suisses, signé Nestlé. Voilà, vous l'aurez compris si vous ne vous en souvenez pas de cette publicité. Bon, c'est bien sûr l'enfant hein, qui a tout mangé et qui remet tout sur le dos de son poisson rouge qui est bien nommé, bien sûr, Maurice. J'entends Matt parler hors antenne. Matt, vas-y, répète ce que tu nous disais, j'ai pas du tout entendu. Je te disais que tu poussais le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mais oui, effectivement, Matt. Et si tu as des problèmes de connexion, tu pousses également le bouchon un peu loin, Matt. Toi. Ah bah alors ça, faut aller plaindre auprès de la Société Française de radio... Radio-téléphonie. Ouais, radio-téléphonie, hop. De SFR pour ne pas les citer. Tous les podcasts de Radio Antigone Tours sont à retrouver sur tour.radioantigone.com.